Le cri de poème, nouvelle série par Émile Verhaeren. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le cri. Sur un étang désert où stagne une eau brunie, un ray du soir s'accroche au sommet d'un roseau. Un cri s'écoute, un cri désespéré d'oiseau, un cri grêle qui pleure au loin une agonie. Comme il est faible et mince et timide et fluet, et comme avec tristesse il se traîne et s'écoute, et comme il se prolonge, et comme avec la route il s'enfonce et se perd dans l'horizon muet, et comme il sent de l'heure au rythme de son râle, et comme en son accent minable et souffreteux, et comme, en son écho languissant et boiteux, se plaint pureusement la douleur vespérale. Il est si lent parfois qu'on ne le saisit pas, et néanmoins, toujours et sans fatigue, il tinte l'obscur et frêle adieu de quelque vie éteinte. Il dit les pauvres morts et les pauvres trépas. La mort des fleurs, la mort des insectes, la douce mort des aides et des tiges et des parfums. Il dit les vols lointains, éclairs qui sont défunts, et reposent, cassés dans l'herbe et dans la mousse. Fin de Le cri, enregistré par Margot.